Bienvenue au troisième retour consécutif des beignets poudrés, live dans ma salle de bain. Wouhou! Alors, quelle place si merveilleuse qu'est ma chambre de bain ou ma toilette, pour ceux qui préfèrent ce terme-là. Alors, cette semaine, un peu d'improvisation solitaire pour ma part. Alors, je vais vous faire jouer de la musique, disons, expérimentale. Et je ne parlerai pas beaucoup parce que je ne suis pas un grand parleur et je n'aime pas ça me parler toute seule. Mais, quand même, j'aimerais ça vous parler un peu de mes... J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 chansons que je voudrais vous faire jouer en 20 minutes. Je pense que ça va dépasser un peu le temps, mais on verra. Et on va commencer dès maintenant avec International 1 du groupe Ground Zero, groupe japonais, ma foi, assez inconnu par ici, mais que j'ai trouvé intéressant de vous faire entendre. Alors, à tantôt! Yeah. Art galleries and museums. Art galleries and museums. American football. Education. Education. American football. Education. Art galleries and museums. Art galleries and museums. American football. Education. Art galleries and museums. Art galleries and museums. Education. Thank you. suis toujours live dans ma salle de bain où je suis en train de me laver, comme qu'on dit. Et j'ai des drôles de techniques, mais que voulez-vous.